beau dire dans tous mes textes que je me fous de la vie des autres, c'est juste une faute et juste un prétexte. En fait, je suis trop gentil, trop altruiste, en partie et triste, quand je sais que je suis un des rares à faire preuve d'empathie. De bon sens aussi rare, ceux qui s'en soucient marquent. La bêtise humaine s'écarte vers les dieux aussi, on a les cartes en main. Mais moi je vois dans ton jeu, je sais qu'on vit chacun pour soi. Demain c'est ça qui deviendra dangereux. J'ai beau dire que m'en bats les couilles de tout, de toi, de ce qui m'entoure. Des cons que je côtoie et qui m'emmerdent tour à tour. J'ai beau dire tuez-vous, moi je m'en fous, mais laissez-moi vivre. Je traque la connerie, je suis à 100% sur le qui-vive. J'ai beau dire que je vais arrêter de rapper, parce que ce milieu est merdique. Mais heureusement que des gens sont là pour me rappeler que c'est juste une passion et que je fais ça pour moi. Pour toi qui écoute ça, pour ceux qui kiffent et contre ceux qui m'aiment pas. Kaiserika te le dira mieux que moi. N'écoute pas les autres, écoute ton cœur, maintenant je le crois. Mon cœur me dit que je devrais répliquer quand on me lance des piques et que je suis triste de ne rien dire car je suis trop pacifiste. Trop sensible avec ça, susceptible en plus, ça me gêne. Mais qui a mis ses défauts dans mes gènes? J'ai beau dire que ça vient pas de moi, marchez-moi sur les pieds, je dirai rien, c'est que j'ai recouvré la foi. Seulement je suis toujours trop altruiste, peut-être parce que j'ai pas envie qu'on pense que check c'est égoïste. Alors je fais passer les autres en premier, je me mets à leur place, sachant qu'il y en a pas toujours pour les derniers. Les derniers seront les premiers, pourquoi insister, pourquoi résister? Il ira bien qui rira le dernier, je me suis engagé, je suis trop enragé. Prenez-moi pour quelqu'un de niais, continuez de jaser. Vous m'avez blasé. C'est peut-être le dernier album que je ferai. J'ai vidé mes pensées, je me suis dépensé. Les derniers seront les premiers. Pourquoi insister? Pourquoi résister? Il ira bien qui rira le dernier. Je me suis engagé, je suis trop enragé. Prenez-moi pour quelqu'un de niais, continuez de jaser. Vous m'avez blasé.